Kernok le pirate de Gensu, chapitre 6, pour Audiocité. Appareillage. Alerte, alerte, voici les pirates d'Ocali qui partent. Le captif d'Ocali. Lorsque Kernok parut sur le pont, il se fit un profond silence. On n'entendait pas le bruit aigu du sifflet de Maître Zélie, qui, penché sur l'avant du brick, faisait amarrer l'ancre en indiquant la manœuvre par des modulations différentes. « Faut-il déraper l'ancre de tribord ? » cria-t-il au second, qui transmit cette demande à Kernok. « Attends, dit celui-ci, et fais monter tout le monde sur le pont. » Un coup de sifflet particulier, répété par le contremaître, était à peine donné que les 52 hommes et les 5 mousses qui composaient l'équipage de l'épervier étaient sur le pont, rangés sur les deux lignes, la tête haute, le regard fixe et les mains pendantes. Ces braves gens n'avaient pas l'air candide et pur d'un jeune séminariste. Oh non ! On voyait à leurs traits durs et prononcés, à leur teint hâlé, à leur front sillonné que les passions... Et quelles passions ! Que les passions avaient passé par là, et qu'ils avaient mené une vie, hélas, bien orageuse, ces honnêtes compagnons. Et puis, c'était un équipage cosmopolite. C'était comme un résumé vivant de presque tous les peuples du monde. Français, Russes, Anglais, Allemands, Italiens, Espagnols, Américains, Égyptiens, Hollandais, que sais-je. Il y avait de tout. « Vous dis-je, jusqu'à un Chinois, que Kernok avait embauché à Manille. Pourtant, cette société composée d'éléments si peu homogènes vivait à bord en parfaite intelligence, grâce à la rigoureuse discipline que Kernok avait établie. « Fais l'appel !» dit-il au second, et chaque matelot répondit à son nom. Il en manquait un, l'escouette, le pilote. Un compatriote de Kernok. Note-le pour 20 coups de corde et 8 jours de fer, dit celui-ci au lieutenant. Et le lieutenant écrivit sur son carnet l'escouette, 20 coups de corde et 8 jours de fer, avec autant d'insouciance qu'un négociant qui date l'échéance d'un billet. Kernok alors monta sur le banc de car. Déposa son porte-voix près de lui et parla en ces termes. « Enfant, nous allons reprendre la mer. Il y a 2 mois que nous moisissons ici, comme un ponton pourri. Nos ceintures sont vides, mais la soute à poudre est pleine. Nos canons ont la bouche ouverte et ne demandent qu'à parler. Nous allons sortir par une bonne brise de nord-ouest et flâner du côté du détroit de Gibraltar. Et si Saint-Nicolas et Sainte-Barbe nous assistent, mordieu, enfin, nous reviendrons les poches pleines faire danser les filles de Saint-Paul et boire le vin de Paimpoule. Hurrah ! Hurrah ! Cria l'équipage en signe d'approbation. Dérape à tribord ! Range à larguer le grand foc ! Aborder la brigantine ! Cria Kernok d'une voix de stentor, donnant aussitôt l'ordre d'appareiller. Pour ne pas laisser refroidir l'ardeur de son équipage. Le brick n'étant plus appuyé sur ses ancres, suivit l'impulsion du vent, et vint sur tribord. Range et largue les huniers, oriente au plus près. Brasse, brasse, bâbord, amarre les huniers, cria encore Kernok. Et le brick, sentant la force de la brise, se mit en marche. Ses larges voiles grises se gonflèrent peu à peu. Le vent circula en sifflant dans ses cordages. Déjà Paimpoule, la côte de Tréguier, l'île Sainte-Anne, Rosistan, et la tour blanche, s'effaçant peu à peu, fuyaient aux yeux des matelots, qui groupaient dans les haubans et dans les hunes, le regard fixé sur la terre semblait saluer la France d'un long et dernier adieu. La barre à bâbord, la barre à bâbord, laisse arriver. cria tout à coup Zélie avec effroi. Aussitôt, la roue du gouvernail tourna rapidement, et l'épervier s'inclina et frémit sur la lame. « Qu'y a-t-il donc ? » demanda Kernok quand la manœuvre fut exécutée. « C'est l'escouette qui nous rejoint, capitaine. Le bateau qui le porte a manqué de se laisser aborder, et nous l'eussions coulé comme une coquille de noix si j'en avais fait venir sur tribord, » répondit Zélie. Le retardataire qui était lestement sauté à bord s'avança d'un air confus près de Kernok. « Pourquoi as-tu autant tardé ? Ma vieille mère vient de mourir. J'ai voulu rester jusqu'au dernier moment pour lui fermer les yeux. »« Ah ! » dit Kernok, puis se tournant vers ce Songon. « Faites régler le compte de ce bon fils. » Et le second dit deux mots à l'oreille de Zélie qui emmena l'escouet à l'avant du brick. « Mon garçon, lui dit-il alors en balançant une corde longue et mince, nous avons un os à ranger ensemble. Je comprends, dit l'escouette en pâlissant. Et combien ? Une misère. Mais encore, on aime à savoir. Tu verras, on ne te fera tort de rien. D'ailleurs, tu compteras. Je me vengerai. On dit toujours cela avant, et puis après, on n'y pense pas plus qu'à la brise de la veille. Allons, mon garçon, dépêchons. Car je vois le capitaine qui s'impatiente, et il pourrait vouloir me faire goûter de la même sauce. » Et on attacha l'escouette sur une échelle de hauban, les bras élevés, le dos nu jusqu'à la ceinture. « On est prêt ?» dit maître Zélie. Kernok fit un signe. La garcette siffla, et retentit sur le dos de l'escouette. Jusqu'au sixième coup, il se comporta fort décemment. On n'entendait qu'une espèce de gémissement sourd qui accompagnait chaque coup de corde. Mais au septième, le courage l'abandonna, et au fait, il devait souffrir beaucoup, car chaque coup laissait sur son corps un sillon rouge qui devenait aussitôt bleu et blafard. Puis l'épiderme s'enleva. La chair était vive et saignante. Il paraît que la torture devint intolérable, puisqu'un état d'affaissement général remplaça l'irritation convulsive qui jusque-là avait soutenu l'escouette. « Il se trouve mal, » dit Zélie, la garcette levée. Alors Monsieur Durand, le canonnier chirurgien charpentier du bord, s'approcha, tâta le pouls du patient, puis, grimaçant une espèce de mou, il leva les épaules et fit un mouvement significatif à maître Zélie. La garcette joua de nouveau, mais le son qu'elle rendait n'était plus sec et éclatant comme lorsqu'elle retombait sur une peau lisse et polie, mais sourd et mat comme le bruit d'une corde qui frapperait une boue épaisse. C'est qu'aussi le dos de l'escouette était à vif, la peau tombait en lambeaux, à ce point que le maître mettait sa main devant ses yeux pour ne pas être éclaboussé par le sang qui jaillissait à chaque coup. « Et vain ! » dit-il avec un air de satisfaction mêlé de regret, comme une jeune fille qui donne à son amant le dernier des baisers qu'elle lui a promis. « Oh ! Ou, si vous l'aimez mieux, comme un banquier qui compte sa dernière pile d'écus. » Toujours est-il qu'on emporta l'escouette, sans qu'il donnât aucun signe de vie. « Maintenant, dit Kernok, un bon emplâtre de poudre à canon et de vinaigre sur ses égratignures. Demain, il n'y paraîtra plus. » Puis, s'adressant au maître timonier, « Courez une bonne bordée au sud-ouest. Si l'on signale une voile, venez m'avertir. » Et il descendit dans sa chambre pour rejoindre Mélie.